suis un chanteur fantoche. Le désespoir m'est proche. Je suis un cabot fanatique, un perdant magnifique, magnifique, un perdant magnifique. Pourtant je rêve de rappel à Londres ou à Marseille, de concerts enchaînés. Le désespoir m'est proche. Je suis un cabot fanatique, un perdant magnifique, magnifique, magnifique. Je suis un chanteur fantoche. Le désespoir m'est proche. Je suis un cabot fanatique, un perdant.